Une fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter Un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous et bienvenue sur Fadjet sur le 94.2. Bien évidemment, c'est un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, on décrypte toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. Alors, on vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs et les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Alors, nous sommes encore nombreux en ce vendredi soir et on vous souhaite déjà peut-être un bon début de week-end à tous et surtout à l'écoute de Fadjet. Il y a entre autres, entre partenaires de jeu ce soir, Anna, Christelle, Laura, Adrien et notre invité du jour, n'est-ce pas Naïk ? Tout à fait François, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui nous avons une invitée, ouais. Une femme, Sophie, qui est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Voilà, bonjour Sophie en tout cas et merci d'être avec nous pour une heure. Alors comme j'ai dit tout à l'heure hors antenne, tu as le droit parfaitement d'intervenir à tout moment. On va te présenter dans un premier temps, on va faire une petite interview, n'est-ce pas ? Bah tiens, on va commencer tout de suite par le sommaire du jour. Alors au sommaire du jour, effectivement, bah, vous l'aurez compris, on va beaucoup parler donc de Sophie et de sa passion donc pour la photo, mais voilà, elle va nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Ouais. On parlera aussi mode, je pense, avec Christelle qui nous fera une chronique sur une femme qui a compté apparemment. Exactement. Voilà. On parlera cassette. VHS avec Laura. C'est ça. Donc on avait parlé du Minitel, on avait parlé des cabines téléphoniques. Et aujourd'hui, donc on va parler VHS, cassette de J'ai de vu aussi époque. Un petit quiz. Un petit quiz, oui. Alors moi, je me suis dit, tiens, c'est Noël, évidemment. Donc j'avais envie de faire un petit quiz de Noël. Voilà, vous posez 2-3 petites questions. Voilà, c'est pour nous piéger, si c'est ça Non, c'est pour briller en société lors du repas de Noël. Vous aurez plus de culture, en fait. C'est ça. Avec ou ma alors, petite chronique. Près d'une machine à café, au boulot. Tout à fait. Tout à fait possible. Voilà, et puis Adrien nous parlera des films d'action, je crois. Oui. Cette semaine. Et puis, on abordera les sorties qu'il y a à faire dans le coin sur les prochains week-ends. Un beau programme, en somme, nous sommes ensemble pour une petite heure, les amis. Un coup d'œil dans le rétro, c'est aussi sur la page Facebook Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro. N'hésitez pas aussi à aller sur le site internet www.fadjet.net et d'écouter en live l'émission. Voilà, tout est dit. On commence tout de suite avec notre invité du jour. Alors, c'est moi qui m'y colle ? Allez, vas-y. C'est moi qui m'y colle. Sophie de son prénom, n'est-ce pas ? C'est ça. Alors, si on reprenait un petit peu ton parcours, je me permets de te tutoyer, Sophie ? Parfait. Alors, parle bien dans le micro. D'accord. Voilà, juste dans le micro. Si on reprenait ton parcours depuis le début, études en arts appliqués, et littérature. Voilà, c'est ça. Études d'art appliqués, littérature classique et moderne. Et ensuite, j'ai enchaîné sur une formation en soins animaliers. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, tu travailles... Quel est ton boulot aujourd'hui, tiens ? Alors, entre autres, t'en as plusieurs ? Non, je dis plusieurs. Ça parce que moi, j'en ai plusieurs aussi, donc je pense que t'en as plusieurs aussi. En dehors de mes activités artistiques, je travaille comme hôtesse d'accueil à la salle Poirel. D'accord. Notre belle salle Poirel. D'accord. Et dans ton activité artistique ? Donc, la photographie argentique et l'illustration, qui reste une activité annexe, mais que je tiens toujours à souligner, même si la photographie prend l'essentiel de mon temps. Alors, argentique, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, argentique ? Travaille sur pellicule. Sur pellicule. À l'ère du numérique, voilà. C'est vrai ? Donc, tu vas contre-courant. Voilà, c'est mon petit côté rétro. Et ça donne une particularité à la photo ? Oui, incontestablement, pour moi. En tout cas, ça a été un choix délibéré du moment que j'ai ressorti mes appareils photo. Oui. Pour coller à mes aspirations. Le grain, l'attente au développement. Ça fait combien de temps que tu fais de la photo ? Alors j'ai recommencé à en faire, j'en ai toujours fait, mais comme tout à chacun, comme photos de vacances, de famille, etc. J'ai ressorti mes appareils vers 2010-2011. D'accord, et t'as ressorti en l'occurrence tes appareils argentiques, voilà. T'as pas fait du numérique du tout? Si, au début, j'ai recommencé par le numérique pour essayer et je m'amusais à retravailler mes photos, à les ressalir, à rajouter du grain ouais, pour que ça colle en fait à une esthétique argentique. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas ressortir mes vieux appareils voilà, des années 60, 70, 90. Qui fonctionnaient encore très bien. On retrouve des pellicules facilement, tout ça, c'est possible? Oui. En boutique, on en trouve encore. Je ne citerai pas de nom de boutique. Oui. Mais sur Internet également. Et avec le retour du Polaroid, il y a quand même un revival. Ça devient de plus en plus aisé quand même de retrouver. Est-ce qu'il y a un thème en particulier, toi, qui te passionne autour de la photo? Alors finalement, à la base, non. Et je me suis rendu compte avec le recul sur mon travail qu'il y avait des thèmes qui ressortaient, comme la nostalgie, le silence, la solitude. Je reviens sur le silence sous toutes ses formes, l'absence. Alors comment? Alors moi j'ai une question, parce que en vidéo je le comprends le silence, en photo je n'arrive pas à le comprendre. Comment ça se passe? C'est vrai que c'est difficile. Une espèce de temps suspendu. C'est ça. Voilà, quelque chose d'intemporel. Et j'avoue que j'ai plaisir à créer des scènes qui pourraient être sorties de contes de fées, de littérature. J'aime immerger mes personnages dans des paysages sauvages, à l'abandon. Oui. Et je pense que c'est en ça mon interprétation du silence. On peut s'en rendre compte notamment par ton travail qui est sur un blog, sur une page Facebook, sur quoi? À peu près tous les réseaux sociaux. Alors il y a une page Facebook, il y a une galerie Flickr, sur Instagram. Je me familiarise encore avec le média, mais j'y suis depuis assez récemment. Tumblr, Twitter, etc. Alors il n'y a pas du paysage, c'est ça? Il y a des personnages, des animaux aussi, parce que tu parlais au début. Enfin, moi j'ai regardé un petit peu sur ton blog un peu partout, et c'est vrai qu'il y a aussi un rapport avec la nature qui est quand même présent. Oui, beaucoup. Oui. Alors par les paysages, mais aussi par les animaux aussi en eux-mêmes. Voilà, c'est vraiment deux axes sur lesquels j'insiste beaucoup dans mon travail. En gros, si je devais caricaturer, je pourrais dire que dans ma tête cohabitent Jack London et Virginia Woolf. D'accord. Donc j'aime tout ce qui est assez onirique, ésotérique, passéiste, mais toujours l'omniprésence de la nature. C'est vraiment quelque chose de très très important pour moi, qui fait partie de mes viscères. Et moi, quand je regardais un petit peu tes photos, des fois j'avais comme une atmosphère. En fait, je ressentais, je trouve qu'en fait, on ressent des choses quand on voit tes photos. Et il y avait certaines photos me faisaient presque peur, en fait. Mais en même temps, le silence, mais la nostalgie, tu vois ce que je sais pas si on... c'est quelque chose qu'on t'a déjà dit, mais oui. Peur dans le... où ça... une espèce d'ambiance en fait, peur... qui t'intrigue, tu sais. Puis quand tu regardes, je sais pas, c'était... La peur n'a rien à voir avec la laideur, hein, donc c'est, non, c'est non, pas mais parce c'est, que la photo est... Voilà, tu ressens quelque chose. Alors pas sur toutes, mais il y avait certaines ambiances avec les couleurs, avec le... Voilà, ça fait aussi partie de mes inspirations. J'avoue que je suis une grosse fan de cinéma d'horreur depuis le début de l'ère du cinéma jusqu'à maintenant. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé aussi travailler dans des séries précédentes sur la distorsion du corps. Le langage corporel est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Et c'est vrai que je me suis souvent amusée à tordre mes personnages. Laura pourra en témoigner, qui a déjà posé pour moi. C'est assez physique, les séances photo. Et vu que j'aime beaucoup occulter le visage, des personnes sur mes... Et pourquoi? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup à dire à travers une attitude. Le corps, autre la poésie. Que le visage. Donc pas de transmission d'émotions par le visage, plus par le corps, par l'environnement. Et c'est la mise en scène. Ouais. C'est vrai que j'ai encore du mal à faire du portrait vraiment frontal. D'accord. C'est quelque chose qui m'est presque parfois impudique. C'est peut-être parce que je suis quelqu'un d'assez réservé et j'ai plus d'aisance, oui, effectivement, à faire évoluer des personnages sur une scène et choisir le moment qui me parle le plus à moi. C'est ta particularité, hein, voilà. En final, on reconnaît assez facilement finalement ton travail. C'est assez, évident. Tu as déjà différentes expositions à ton actif? Oui, sur Nancy, je fais partie des exposants permanents au Bouclard, la galerie café qui se trouve rue Bazin à Nancy. Ouais. Il y a eu aussi ma participation au Petit Bazar et encore récemment cette année. Et je tiens vraiment à souligner cet événement parce que c'est très très important pour nous, artistes locaux. C'est un des événements les plus importants, je pense, de l'année, qui rassemble 150 exposants de tout horizon et c'est quelque chose de magnifique pour nous. Il y a eu aussi Talents de Femmes à l'Hôtel de Ville. Des expositions collectives à l'étranger, voilà. Donc pas mal de choses, hein. Des projets à venir encore, d'autres choses un petit peu différentes. Oui, alors complètement différentes, puisque le prochain projet c'est un shooting pour un groupe de rock dont je ne dirai pas le nom. Tu diras pas le nom, d'accord. Vous verrez ça quand ça arrivera, c'est pour 2018 à peu près. Toujours avec ta touche, à toi, tu refais pas du classicisme. Oui. Tu refais pas du classique, d'accord. Elle a sa patte. Elle a sa patte. Eh bien merci Sophie, en tout cas tu restes avec nous pendant toute l'émission, on continuera un petit peu l'interview tout au long de ce programme. En tout cas, on va faire une première pause musicale. Alors, qui a proposé ce titre, Anaïk ? C'est Laura. Encore. Et donc, Laura, qu'est-ce qu'elle peut nous dire sur ce titre-là de Darlene Love ? Ah bah, c'est la magie de Noël, quoi. Bien sûr. T'écoutes ça, c'est Noël. Et nous, c'est la dernière émission avant 2018. Hein, oui, c'est vrai, c'est la dernière de l'année. Donc, c'est un peu notre petite émission de Noël. Regardez sur les réseaux sociaux, on est jolis. Hein. Laura a ramené pas mal d'accessoires. En tout genre. Donc, allez voir les belles photos avec les pulls. Parce qu'il y a le concours du pull moche. Hein. C'est aux États-Unis, ça vient petit à petit en France. Oui. Et donc, là, voilà. N'hésitez pas à aller. Faites-nous part de vos avis. Donc, on va écouter ton titre, Laura. C'est important. C'est Winter Wonderland. C'est la chanteuse américaine Darlene Love. Vous êtes à l'écoute de Fadjet, bien sûr, c'est un coup d'œil dans le rétro. Je rappelle que c'est un titre de 1980, elle a joué la femme de Danny Glover dans les 4 films de L'Arme Fatale. Darlene Love, Winter Wonderland. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors les amis, si vous nous rejoignez, oui j'ai crié très fort, si vous nous rejoignez pour cette émission ensemble pendant une heure, ça fait 4 ans maintenant, hein, on va fêter d'ailleurs en janvier 2018, si je ne m'abuse, notre 4e année d'émission. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé la chic. Tiens, hop là, voilà. Mais oui, François, on fera un gros gâteau d'anniversaire à la radio et avec plein de bougies pour coup d'œil dans la rétro. Et quasiment jour pour jour. Hein, oui. En plus, là, sur la prochaine émission, c'est le 3e vendredi de chaque mois. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, en tout cas, ou aller réécouter les émissions en podcast sur le site fadjet.net. Rubrique Un coup d'œil dans le rétro. Il y a tous nos invités depuis ces 4 années. Et nous, on est très heureux de passer en votre compagnie. Alors on poursuit, elle trépigne sur sa petite chaise, elle danse, notre Christelle qui est venue au départ dans l'émission depuis combien de temps d'ailleurs? Ça fait un an pile aussi. Christelle était venue en décembre l'année dernière. C'est vrai. Ouais. Et Christelle au début elle nous faisait part un peu de ses voyages. Oui, au début, du premier en voyage février. Que fait. Bah, j'avais été invitée en décembre et puis après j'avais fait une chronique avec quelques petites choses autour de la Bolivie. D'accord. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Et là, on met un coup de projecteur, notamment sur Sonia Delaunay. Exactement. Ho, ho, ho. Pour notre dernière émission de l'année, je vais vous parler aujourd'hui d'une grande dame, d'une artiste complète. Il s'agit donc de Sonia Delaunay. Avant-gardiste, elle était amoureuse des formes et des couleurs et elle a su marier la mode à la peinture. Mais parce que c'était une femme et que la mode était considérée comme frivole, elle a mis du temps à imposer son œuvre. Cette petite Sonia est née en 1885 en Ukraine d'une famille très très pauvre. Son père travaillait dans une fabrique de clous. Elle est adoptée par son oncle maternel qui lui est avocat à Saint-Pétersbourg et vit très aisément. Sa vie change du coup du tout au tout. Elle étudie les beaux-arts, mais juste quelques petites années en Allemagne et à Paris, où elle débarque à l'âge de 20 ans en 1905. Elle devient française grâce à un premier mariage avec un collectionneur d'art et marchand qui s'appelait, un marchand d'art qui s'appelait Willem Hude. Qui était français ? Je ne comprends pas en fait. Je ne pense pas, mais bon, c'est bizarre. À vérifier du coup. À cette époque, du coup, Sonia développe un goût très fort pour les couleurs vives, avec un style fauve qui est un courant stylistique du coup de l'histoire de l'art. Elle a été inspirée par Gauguin et Van Gogh qu'elle a rencontré du coup à Paris. D'accord. Un jour, elle rencontre Monsieur Robert Delaunay, qui est jeune peintre à l'époque et qui venait faire le portrait de son propre mari à elle. Ils ont le même âge et ont tous les deux été adoptés. Ils sont passionnés d'art moderne. Ils tombent évidemment amoureux. Un an plus tard, elle divorce de son ancien mari et se marie avec Robert Delaunay, dont elle attend déjà un fils. Ensemble, ils vont travailler sur la recherche de la couleur pure et du mouvement des couleurs simultanées. Alors ça, c'est un concept assez bizarre qu'ils ont inventé tous les deux. Donc c'est un travail de contraste avec les couleurs. On mettra des photos sur la page, sur la page Facebook. C'est des associations de couleurs primaires qui créent des contrastes dans la peinture. En 1911, Sonia réalise sa première œuvre abstraite avec du textile. C'est là que ça va commencer, du coup, son art, sa peinture, à devenir aussi des créations textiles, notamment des vêtements. Et elle crée, du coup, une couverture en patchwork pour son petit bébé Charles, qui vient de naître. Elle joue avec les couleurs des tissus, comme dans sa peinture, en s'inspirant des maisons paysannes russes, parce qu'elle a eu une période de sa vie où elle a vécu en Russie. Et le rendu lui fait penser à une œuvre cubiste. Elle tente du coup ce principe sur d'autres objets parce qu'elle adore du coup mélanger les couleurs ensemble. À cette époque, Sonia et Robert vivent au-dessus de leurs moyens à Paris et invitent régulièrement chez eux des artistes, des intellectuels, des écrivains avec qui ils discutent des possibilités de l'évolution de l'art. C'est ainsi que naîtra le terme « orphisme » qui a été donné par Guillaume Apollinaire pour qualifier l'art de ce couple. Dans leur peinture, en effet, ils jouent avec les formes géométriques simples, en même temps qu'avec les couleurs qui sont en contradiction. Ils utilisent des cercles, des triangles et des carrés. De la peinture à la mode, donc c'est parti. Lancée par cette couverture en patchwork, Sonia réalise des couvertures de livres, des coussins, des abat-jours, et elle s'intéresse véritablement à la mode. En 1913, elle crée sa première robe simultanée. Donc, je vous ai parlé précédemment de cette notion de couleur simultanée. C'est en fait des patchworks de couleurs. Donc là, elle utilise dans cette robe du rouge, du rose, du bleu, du vert, du noir et de l'orange. Rien que ça. Qu'elle porte pour danser le tango à un bal avec Robert. Alors lui, c'est pas fini. Lui porte une veste rouge avec un col bleu, une cravate et des chaussettes rouges et des chaussures bicolores noires et jaunes. Incroyable pour les pores. Ça devait, hein. Ouais, ça devait c'est péter un arc-en-ciel, quoi. Robert. Les Delaunay, ça, ouh, ça envoyait du bois, quoi. Ça en jette pour Noël. Le travail de Sonia est du coup pas mal innovant. Elle fait pas la différence entre sa peinture et son travail qu'elle désigne comme décoratif. Elle fait descendre l'art dans la rue grâce à ses vêtements et ses accessoires. Elle dessinera même des costumes pour les ballets russes. En 1924, elle ouvre un atelier simultané, un concept store avant l'heure au succès immédiat. Elle y vend ses créations de mode, des tableaux, du papier peint qui sont achetés par des vedettes de cinéma, des personnalités mondaines, des poètes surréalistes. Ses créations sont un succès et sont distribuées dans plusieurs magasins à l'étranger, comme la marque Liberty à Londres. D'accord, ok. Elle m'inspire beaucoup, cette nana, parce que j'aimerais beaucoup faire ça, moi aussi. Créer des motifs textiles. Bon, bref, c'est une parenthèse. C'est un petit aparté. En 1929, la crise boursière frappe fort et la boutique de Sonia doit fermer. Mais elle continue à dessiner des tissus et se remet à peindre. En 1940, le couple se réfugie à Montpellier en zone libre, où Robert décède. Il était malade. Elle continuera à porter le travail de son mari et à le vendre, coûte que coûte. Sa reconnaissance à elle n'arrivera qu'en 1960. Sa reconnaissance autour de l'art, en fait. Par c'est rapport tard, à... quand même, par rapport voilà, aux années où elle a commencé. C'est ça. Pour la mode, elle a eu du succès, mais pour ce qui est des peintures... C'était plus difficile. C'était plutôt son mari qui était mis en avant. Et en 1964, elle est la première femme à laquelle le Louvre consacre une rétrospective de son vivant. Voilà. La vie de Sonia. Sacrée elle... bonne femme, dis donc. Ouais. Elle a vécu encore longtemps, là. Elle a vécu jusqu'à 94 ans. Elle est morte en 1979. Belle vie. Voilà. Joli parcours. Ouais. Joli parcours, donc quelqu'un qui a compté dans beaucoup, l'univers dans de la mode aussi, pas que dans la peinture aussi. Ouais. Tout à fait. Sonia Delaunay, merci Kiki pour toutes ces infos là, tous ces personnages rien. Que tu nous présentes chaque mois. On va écouter un titre qui est en lien avec ça, Anaïk, si tu peux nous préciser sur ce titre là. Alors en lien, non, pas forcément, mais c'était une chanson que j'aimais bien, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est une femme et en fait, c'est une américaine qui s'appelle Kelly Swift et en fait c'est Swing Swing Swing. Kelly voilà. Smith, oui. C'est Swing Swing Swing, c'est une reprise en 2000 donc, de cette chanteuse américaine. Allez, c'est un coup d'œil dans le rétro, les amis, on est ensemble encore pour plus d'une demi-heure, bien sûr. Un bon début de week-end à tous, vous êtes sur Fadjet. Swing, swing, swing, swing, everybody start to swing, light it off, whoa, whoa, whoa, now you're singing with a swing. Swing, swing, swing, swing, everybody start to swing, light it off. Swing. When that music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Whoa, baby, whoa, whoa, whoa. Swing, swing, swing, swing. Everybody start to swing. La-di-da, whoa, whoa, whoa. Now you're singing with a swing. Ba-da-ba-dum-da-loo-doo-doo. When that music goes around. something you should know. Oh, swing, swing, swing, swing. Everybody start to swing. La-di-da, whoa. Now you're singing with the swing. La-di-da, whoa. Now you're singing with. Oh, swing. Swing, swing, swing par Kelly Smith sur Fadjet 94.2. Dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors les amis, on est très heureux d'être avec vous en cette fin de semaine. Je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas réussir à dire ce fin de vendredi, ça ne veut rien dire, c'est moche comme mot. Mais c'est plutôt la fin de semaine, je pense qu'il nous faut des vacances. Hein. Bientôt, elles ne vont pas tarder à arriver. C'est vrai. Les vacances de Noël, ce n'est pas celle où tu te reposes le plus, j'ai envie de dire. Oui, mais tu bon, manges, tu manges, tu bois, oui, du champagne, puis tu fais la fête quand même. Oui, parce mais que tu te reposes en famille quand même, c'est toujours sympathique. Oui. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, nous, c'est la dernière émission avant l'année prochaine. C'est toujours la petite vanne qu'on dit. Tu sais, les gens te disent avant les vacances. Allez, Michel, Michel. Ça me fait pas rire. C'est souvent ce qu'on dit. En tout cas, un coup d'œil dans le rétro, c'est une fois par mois. Et là, on a une particularité en cette dernière émission de fin d'année, on va dire, de fin d'année civile. Anaïk a décidé, voilà, d'innover et de nous lancer un petit quiz pour nous prouver que nous ne sommes pas intelligents. C'est un peu l'idée, voilà. Elle veut nous prendre au dépourvu. Alors, quelle est la thématique du petit quiz déjà ? La thématique du petit quiz, il n'y a rien d'original pour le coup. En fait, c'est un quiz de Noël. Voilà, donc j'ai trois petites questions à vous poser. Ils n'ont pas les réponses, j'espère. Ils ont quand même les feuilles sous les yeux, mais bon, ils vont jouer le jeu, ils vont pas regarder, hein, n'est-ce pas, Kiki, là-bas ? Je te vois là. J'ai rien vu. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, alors, pour revenir à mon petit quiz, effectivement, j'ai envie de vous poser la première question. Est-ce que vous savez, en fait, pourquoi un sapin ? Pourquoi pas, je sais pas, moi, une orchidée ? Pourquoi un sapin ? On me l'explique déjà 500 fois et j'ai jamais retenu. Et voilà, mais tu retiens pas ce genre de choses. Parce qu'il y a de la neige en hiver sur les sapins des Vosges. Tu crois que c'est bien que des Vosges ? Ça pourrait, mais non, Noël vient des Vosges. C'est pas vraiment ça. En fait, faut vraiment remonter, mais très très loin dans le temps. Mais alors, mais c'est... Parce que c'était les seuls qui tenaient le coup pendant l'hiver, qu'on pouvait couper ? Alors, il y a un peu de ça, effectivement. Il y a un peu de l'idée en fait de l'arbre robuste. En fait, pour tout vous dire, ça remonte vraiment à loin, comme je disais tout à l'heure. En fait, c'était un moine allemand qui s'appelait Saint Boniface, qui voulait convaincre en fait les druides, donc germains, que le chêne n'était pas un arbre sacré, parce qu'en fait, à ce moment-là, c'était le chêne. Un druide, c'est quoi ? C'est un moine ? C'est un peu débile, mais je sais pas, question con à laquelle je ne sais pas répondre. Moi non plus, je sais pas vraiment ce que c'est qu'un druide. C'est un magicien. C'est un sorcier, c'est un magicien. Un breton. Oui, un celte. Donc pour revenir à mon histoire, il a abattu en fait un chêne et en tombant donc l'arbre a écrasé tout en fait à côté de lui, sauf un seul arbre en fait qui était un sapin, j'ai pas réussi à le dire. Et donc à partir de là, la légende a fait un petit peu son chemin. Il faut savoir qu'on mentionne pour la première fois comme arbre de Noël entre guillemets, en fait c'était en Alsace en 1521. Donc voilà, c'est pas si loin de chez nous. Et c'est en fait au XIVe siècle que les décorations étaient composées donc de pommes, de confiserie et de petits gâteaux. Et à cette époque, l'étoile qu'on mettait au sommet de l'arbre, donc c'était le symbole de l'étoile de Bethléem, en fait, a commencé à se répandre. Et en fait, ce sont les protestants, donc toujours dans les années 1560 pour être plus précise, qui ont développé donc la tradition du sapin de Noël. Et après, en fait, pour ça a démarqué en fait les catholiques. Donc c'est au XVIIe et XVIIIe siècle en fait que sont apparus les premiers sapins illuminés. Et à l'époque, on utilisait donc des coquilles de noix. On mettait un petit peu d'huile dedans avec une petite mèche. Hein. Ça faisait voilà, comme une petite bougie, ça flottait. Et on mettait aussi des chandelles souples qu'on attachait en fait, aux branches. Donc en fait, le sapin, c'est parce que c'était le plus robuste. C'était celui-ci en fait, qui restait debout. Bravo, Laura. Quand le chêne est tombé. Donc il y avait un petit peu quand même... une réponse, c'était ta réponse. Toi qui as dit c'était voilà, tu as gagné. Donc un point pour Laura. Ouais. Bravo Laura, tu repartiras avec les vêtements que tu nous as apportés. Ah. Alors merci, on a le sapin et puis souvent on voit dans les familles des chaussons ou des chaussures au pied du sapin. Est-ce que vous savez pourquoi en fait on fait ça ? À votre avis. C'était pour mettre des cadeaux dedans, non? Des chaussettes? C'est des chaussettes. Alors on peut mettre des chaussons. Dans les films américains, ils mettent des chaussettes près de la cheminée. Près de la cheminée. Et les chaussettes ne brûlent jamais. Pour prouver que le Père Noël est passé. Pas. Ouais, oui, parce qu'il y avait comme ça. Parce qu'il y avait pas encore de papier cadeau, donc ils mettaient les cadeaux dans des chaussettes. Alors ça, c'est un rapport quand même avec quelque chose qui est. On mettait des fruits. Oui, mais pourquoi? Enfin, ça a un rapport à quelque chose qui se passe ici, qui s'est passé il y a pas si longtemps. C'est une grande fête, voilà, qu'on a. Saint-Nicolas. Oui. Bon. Et pourquoi la Saint-Nicolas alors? Alors pourquoi la Saint-Nicolas? Donc en fait l'histoire raconte donc qu'un bûcheron qui était très pauvre s'est résolu donc à devoir vendre ses trois filles donc après Noël hein, donc pour se faire un petit peu de thunes, voilà, on va dire ça comme ça. C'est pratique. Pas bête, donc pas bête. Saint-Nicolas donc était très sensible en fait à cette histoire et passé dans la nuit et a déposé trois bourses d'or, donc une dans un des bras qui séchait près de la cheminée, une dans une chaussure qui était posée sous le sapin et une autre qui a disparu dans la maison pour être retrouvé plus tard. Bon, ça c'était pour la petite histoire. Et depuis, en fait, on glisse ses chaussures sous le sapin en espérant que Saint-Nicolas, et notamment aussi maintenant le Père Noël, il laisse des petits cadeaux, des bonbons. Voilà. Donc toute l'histoire a commencé en fait par un monsieur en fait qui voulait vendre ses filles parce qu'il était pauvre. Oui, c'est toujours. De toute façon, les légendes sont toujours tragiques et horribles. Hein, l'autre jour, je parlais dans un autre contexte, la Sainte Barbe. Il y a aussi la Sainte Cécile. La Sainte Barbe, c'est un père atroce qui a trucidé, qui essayait absolument de trucider sa fille. Et donc c'est toujours des légendes. Alors il y a souvent des filles qui se font poignarder dans les légendes là. Et après, on les transforme en jolis contes qu'on raconte aux enfants. Hein, non, mais c'est souvent ça, quoi. Et après, ça inspire Sophie pour ses photos. Voilà, mais tout est lié, en fait. C'est voilà, c'est ça. Hein. Sophie, t'as de l'inspiration, en tout cas. Alors, le Père Noël, le Père Noël, donc il apporte des petits gâteaux pour mettre dans les chaussettes ou les chaussons. Mm-hmm. Mais en fait, il passe par où, le Père Noël, pour rentrer dans la maison? La cheminée. Ah, est-ce que vous savez pourquoi le Père Noël passe par la cheminée? C'est quand même dingue, cette affaire. C'est vrai qu'il est il a pas les clés. Ouais, il a pas les clés. En même temps, on peut pas avoir les clés de toutes les maisons du monde, quoi. Parce qu'il vole dans le ciel, donc du coup, il arrive par le toit. Il pose son traîneau. Ouais, il y a ça. C'est pas non plus un aéroport, les toits, parce que c'est pas facile de poser un traîneau avec des rennes là-dessus. Hein. C'est donc, vrai, c'est pas facile. On sait pas, en fait. Si, on sait. En fait, c'est toujours en rapport avec Saint-Nicolas. Donc celui-ci, en fait, il est un petit peu partout. Bah oui. Donc il faut savoir que Saint-Nicolas, il aurait vécu apparemment en Asie mineure, donc au 4e siècle. En Asie mineure? Oui, tout à fait. Alors attention, question. Oui. Non, je pensais que tu allais me poser une question sur l'Asie mineure. Bah, j'ai pas le droit de poser de questions. Non, mais en général, t'aimes bien. Bah, l'Asie mineure, non, tout est écrit dans le titre. Hein, d'accord. Mais moi, je me cultive avec tes quiz. Hein. Donc en fait, Saint-Nicolas, donc quand il a vécu là-bas, il avait l'habitude de passer donc par le toit pour venir en aide aux personnes qui étaient pauvres. Donc encore une fois, il était quand même assez charitable, ce garçon. Donc selon la légende, donc Saint-Nicolas visitait assez régulièrement les maisons donc pour distribuer donc de l'or. Mais certaines de ces habitations n'avaient à l'époque comme unique ouverture qu'un trou en fait dans le plafond. Ça servait à laisser entrer l'air et faire sortir la fumée. Donc la seule façon pour lui, en fait, de rentrer en toute discrétion, c'était de passer par l'aération du toit, l'équivalent de la cheminée donc, d'aujourd'hui, et il prenait une échelle. Donc c'est pour ça, voilà, que... Mais là, il est tout gros, il reste coincé à chaque fois. Oui, mais ça c'est dans les films. Oui, après, il a Père Noël plein maigre, de hein, noir en fait sur lui parce qu'il reste coincé dans la cheminée. Et sa barbe blanche est noire. Ouais. Cheminée américaine. Voilà. Niveau pressing, le Père Noël il doit y aller quoi. Donc vous remarquerez quand même que Saint-Nicolas il est un petit peu partout en fait dans la légende un petit peu. C'est vrai. Qu'on fête que dans l'est, en France, il y en a pas, on le fête pas ailleurs. Si, non, je crois que c'est que dans l'est. Alors merci Anaïk pour ce quiz. Somme toute très intéressant, c'est un quiz de Noël. Pas du tout en lien, mais il fallait quand même pour un coup d'œil dans le rétro, parce que la dernière fois on a fait cette émission, il n'était pas décédé, c'est Johnny bien sûr. Donc on va faire le petit hommage qui va bien avec une chanson bien sûr, c'est un incontournable de Johnny Hallyday. Un titre de 1960, Souvenir. Vous êtes à l'écoute de Fadjet. Souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir. Lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Des départs dans le matin où le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, illuminant l'avenir lorsque mon ciel est trop gris. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains. Johnny Hallyday, souvenir, souvenir. Alors, si vous nous rejoignez, on est à mi-chemin, un peu plus qu'à mi-chemin notre émission. On se secoue un petit peu dans tous les sens. Il fait chaud dans le studio, il fait peut-être frais un peu dehors, mais en tout cas, nous, on est très heureux de vous retrouver en ce début de week-end. Un coup d'œil dans le rétro. Alors, depuis quelques temps déjà, on a des chroniques diverses et variées. On a fait de la mode, de la déco. D'ailleurs, le mois prochain, on va essayer, on en a parlé un petit peu en off, on va essayer d'aller du côté de Briey, parce que j'ai eu connaissance de cela il y a peu de temps, et notamment de la Cité Radieuse. La Cité Radieuse, c'est une cité qui a été conçue par Le Corbusier. Voilà, je vais y arriver, Le Corbusier en l'occurrence, près de Briey. Et j'aimerais bien essayer d'aller faire une petite interview, parce qu'il y a une association qui régit en l'occurrence... ce lieu et l'historique de ce lieu, et donc on essaiera de les avoir pour le mois prochain. En tout cas, sans transition aucune, Laura, elle, nous parle de tas de choses qu'on utilise depuis de nombreux... qu'on a utilisé mais qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Il y a eu les téléphones, hein, les vieux téléphones. Les cabines téléphoniques. Le Minitel. Et là, aujourd'hui... Aujourd'hui, je vais vous parler d'un objet bien connu des années 80, la VHS. La VHS. Donc, l'expression anglaise « Video Home System », qui veut dire en français système vidéo domestique, plus connu et mieux mémorisé sous son sigle VHS, qui désigne une norme d'enregistrement de signaux vidéo sur une bande magnétique. Voilà. Donc si jamais nous avons des auditeurs qui sont trop jeunes pour avoir connu la VHS, parce que c'est possible, il s'agissait d'une cassette noire de forme rectangulaire qu'on utilisait dans les magnétoscopes pour enregistrer ou regarder des vidéos. On mettra aussi une photo en fait sur Facebook. Mais c'est important de le préciser parce qu'on a peut-être des jeunes auditeurs. Ah oui, non, peut-être pas connus. Hein. Et ces jeunes auditeurs-là, ils ne connaissent pas quand tu parles des voix de tas de choses. Même, par exemple, je parlais avec des jeunes du mini-disque, qui a été un flop total, le mini-disque. Bah, ils ne savent pas ce que c'est. C'est passé inaperçu, ça a été un temps très court, mais nous, on sait ce que c'est. Bah, comme le Minitel. Voilà, comme le Minitel. Bah, oui. Donc la VHS. Donc il faut le rappeler quand même que dans les années 80 et 90, on n'avait pas d'internet, de streaming, de Netflix, donc on ne pouvait pas regarder les films et les séries facilement. Pour la partie historique, la VHS est lancée sur le marché japonais en 1976, puis en 78 en France. C'est la société japonaise JVC qui l'a inventée et commercialisée. Mais il faut quand même savoir que Sony avait inventé la cassette vidéo en premier avant ses concurrents. Celle-ci portait le nom de Betamax. Mais elle n'a pas du tout connu le même succès que la VHS parce qu'elle coûtait plus cher et la bande d'enregistrement était de plus courte durée. D'accord. Donc dans les années 80 et 90, la VHS est devenue la norme la plus commune pour la vidéo familiale à travers tout le monde entier parce que la plupart des foyers étaient tous équipés d'un magnétoscope. C'était d'ailleurs le gadget électronique le plus vendu. C'était un marché très très rentable. Donc certaines caméras avaient été spécialement conçues pour filmer avec le format des VHS. Alors peut-être que vous avez connu les dimanches après un repas de famille à regarder des vidéos de vacances aux îles Canaries des grands-parents. Ouais, mes parents ont encore plein. Et mes parents, même les toutes petites cassettes que tu étais obligé de remettre dans une VHS parce que c'était un caméscope. Mais du coup, ça fait appel aussi au magnétoscope en fait qu'on a plus non plus chez nous, quoi. Oui. Qui ont disparu. Bah, c'est pour ça que c'est lié, là, la chronique, c'est VHS et magnétoscope, puisque l'un n'allait pas sans l'autre. Mmh. La durée d'enregistrement des cassettes commercialisées allait de 30 minutes à 5 heures. Mmh. Mais la qualité d'image et de son n'était pas du tout aussi aboutie qu'avec les supports numériques d'aujourd'hui. Et le format de l'image était bien évidemment prévu pour les télévisions de l'époque, soit du 4 tiers. Donc ça fait une image carrée, quoi. Ouais, c'est une image carrée, c'est ça. Voilà. Et la VHS, c'était une vraie révolution. Elle aura marqué toute la génération de ces années-là. Ce qu'on pouvait donc enregistrer nos émissions, nos films, nos sitcoms, chose que je rappelle, était impossible avant cette invention. Et puis, les VHS ont disparu avec l'apparition du laserdisc, ouais, du DVD, du Blu-ray, qui sont eux aussi sur le déclin à cause de toutes les plateformes de vidéos, ouais, d'Internet. C'est pareil, le Blu-ray, je ne suis pas sûr que c'est non plus été... c'est normalement une qualité supérieure au DVD. Je ne sais pas pourquoi ils ont inventé le Blu-ray, normalement qui a une qualité supérieure au DVD. Tout le monde achetait un lecteur. Tu payais ça plus cher en fait. Oui, et puis tu devais acheter ton lecteur Blu-ray en plus. Ouais, aucun intérêt. Ouais. Et les cassettes, on les effaçait et on remettait dessus à chaque fois. T'avais des bouts de programme. Voilà, avec Discord. Tu avais des bouts de programme. Ouais. Et tu pouvais aussi faire long play. Donc c'était pour augmenter la durée de ta cassette. Mais alors ça te rendait une qualité toute pourrie. Je sais pas si vous vous souvenez d'avoir utilisé ça. Notamment Titanic. Moi je me souviens d'avoir fait un long play et c'était juste horrible à regarder. Tu regardais Titanic sur une cassette? Oui. Ah, oui, ça allait jusqu'à 5 heures d'enregistrement. Il y en avait encore en 97, ouais. Ah, bien sûr. Ah, oui, c'est parce vrai, que mais... le dernier fabricant. Adrien avait le coffret de Titanic. Ouais. Collector, oui. D'accord. Et bah, moi aussi, du coup, puisque je suis ta sœur. Et donc, le dernier fabricant de magnétoscopes dans le monde a définitivement arrêté sa production en juillet 2016. Donc, c'est quand même assez récent. Mais maintenant, on ne trouve plus du tout de magnétoscope. D'accord. Pour la partie anecdote, dans les années 80, les studios de cinéma se sont appropriés le marché de la cassette vidéo parce qu'elle représentait un marché plus lucratif que le cinéma. Ils se sont mis à produire plein de films qui ne passaient même pas par la case de diffusion sur grand écran et on pouvait retrouver directement en VHS. Donc Disney était le champion dans ce domaine. Et toujours à la même époque, des producteurs de télé entrevoient aussi le potentiel du support VHS et conçoivent des programmes directement pensés pour être visionnés de la sorte. Comme par exemple la cassette culte d'aérobic de Jane Fonda. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ce programme était prévu pour faire sa gym dans le salon et le format était conçu pour être rembobiné, avancé, mettre sur pause pour pouvoir suivre les exercices de Toutou Youtou. Ah oui, avant ça, on ne pouvait pas. Et l'exemplaire-là, de cette cassette, a été vendu à 17 millions d'exemplaires. C'est quand même fou. Il y a eu même une cassette qui s'appelait « Faire de l'aérobic avec son bébé ». Tu le jettes. Tu récupères. Une autre, alors celle-là, c'est ma préférée. Une autre appelée « Aérobic et prière ». On voit des femmes faire des exercices de fitness en citant la Bible. Donc, c'est pas possible. Kiki a surnommé ça l'aérobible. L'aérobible. Je pense qu'il y a un créneau lancé dans la MJC. Il y a un truc à lancer. On trouvait aussi des cassettes tutoriels, parce que oui, YouTube n'aura rien inventé à ce niveau-là. Il y avait une VHS un peu dingue qui s'appelait Lou un ami. On trouvait un homme assis sur son fauteuil, il parlait, posait des questions, et en fait, il laissait des blancs pour pouvoir laisser la personne qui le regardait en son salon lui répondre. La tristesse du truc, c'est horrible. Mais je me vois faire ça, je On l'a vu, hein. On a regardé. On a regardé, oui, c'est le très drôle. Fait, intéressant. Et par contre, si tu lui demandes de répéter, répète pas, et là, tu te rends compte. Ah non. En fait. Bah, il faut faire repeat avec ta télécommande. C'est pas. Quelle horreur. C'est pas Siri du coup. Ah, quelle horreur. Il y avait aussi des cassettes spécialement conçues pour être regardées par les chiens. Donc par exemple des jeux télévisés avec les candidats qui étaient des chiens. D'accord. Voilà. Sinon on trouvait aussi des cassettes qui pouvaient transformer ton téléviseur en feu de cheminée. Ah ça c'est pour faire un peu un instant glamour. Ouais. Voilà. Et pour louer les VHS, il fallait aller dans les vidéoclubs. Et ils auront permis, ces vidéoclubs, de rendre la cinéphilie accessible au grand public. Moi, j'adorais le vidéoclub de mon enfance. Il y avait même une petite pièce au fond qui était réservée qu'aux adultes parce qu'on trouvait tous les films coquins. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et les jaquettes des VHS étaient très étudiées pour permettre au public d'avoir envie de regarder les films, de les louer et, ou même de les acheter. Et je vous ai ramené celle de Roger Rabbit. Je vous la montrerai après, puis on mettra une petite photo parce que la jaquette était plutôt cool. Les jaquettes les plus marquantes, notamment les films d'horreur. Donc je me rappelle justement que dans le fameux vidéoclub de mon enfance, le dernier rayon avant la pièce interdite, c'était le rayon des films d'horreur. Et on allait juste regarder les jaquettes, on se faisait peur rien qu'en les regardant, quoi. Voilà. Et en dernière anecdote de mon enfance, je sais pas si vous avez connu le jeu de société qui faisait trop peur. Oui. C'était Atmosphere. Oui, oh, c'était un jeu de plateau. Atmosphere. Oui, il y avait en fait un jeu de plateau et une VHS de 60 minutes. Fallait se mettre dans le noir. Voilà, donc tu démarrais la partie, t'écrivais ta plus grosse peur sur un papier et tu laissais la cassette. Et à n'importe quel moment, de manière aléatoire, il y avait un espèce de vilain personnage qui s'appelait le Seigneur des Clés. Mmh. Il pouvait apparaître à tout moment sur ta télé. Mmh. Il stoppait le jeu, il punissait les joueurs, il faisait un rire flippant. Et, voilà. Et c'était un jeu qui te faisait faire des cauchemars pendant super longtemps, mais c'était génial. Mmh. Vous n'avez pas connu ? Non, moi, je ne me rappelle pas de ça. Ça me fait un peu... C'est un escape hunt, en fait, c'est le perso. Mais qu'on faisait en primaire, donc ça faisait un petit peu plus tard que ça. Le dernier film qui est apparu en VHS date de 2006. Oui. Donc, je vais essayer de le dire avec un anglais correct. History of Violence, de David Cronenberg. Ça, c'est la dernière produite. Et la VHS la plus chère de l'histoire a été achetée aux enchères sur eBay en 2013 au prix de 13 220 $, soit plus de 11 000 €, ce qui est énorme. Il s'agissait de la cassette originale du film Halloween, qui à la base avait démarré à 20 $ aux enchères. Oui. Ah, tu connais Sophie. Film d'horreur. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui l'as acheté, Sophie. Et il faut savoir qu'il est possible Père de... Noël. Si tu m'entends... C'est sur ta wishlist. Donc, il faut savoir qu'il est possible de conserver le contenu de ces vidéos VHS en les numérisant. Il faut compter environ 20 € pour la numérisation sur un DVD ou un format lisible sur un ordinateur, dans certaines boutiques spécialisées. Sinon, il est possible de s'en débarrasser pour les faire recycler. Il y en a qui les customisent, qui en font des cadres photos, des boîtes, des trousses, tout ça. Et pour terminer, pour les nostalgiques de la cassette vidéo, je vous conseille de regarder le film très drôle « Soyez sympa, rembobiné » de Michel Gondry, qui est vraiment très très drôle. Et sinon, le documentaire d'Arte Révolution VHS est très intéressant. Il m'aura permis d'apprendre plein de choses sur le sujet et de vous collecter des anecdotes pour cette chronique. Eh bien, très intéressant, Laura. Bravo, en tout cas. Et pour compléter, pourquoi pas, ton petit sujet, on a une émission ici sur Fazet qui s'appelle Régénération VHS. Et donc, ils reprennent, en l'occurrence, tous les films, les séries en VHS qui ont existé depuis la nuit des temps. Et pour le coup, en 97, je faisais ça. Et je m'en suis rendu compte après coup que je louais encore des cassettes dans les années 2000. Tout ça, ça me paraît tellement loin finalement, mais c'est pas si loin que ça. Ça fait une dizaine d'années sur celles qui sont terminées. Bon, bah c'est plutôt sympa, et on va même mettre un titre qui est en lien. Il est 17h quasiment 50. Si vous nous rejoignez, c'est un coup d'œil dans le rétro. Alors, on est un peu toujours dans la nostalgie, un peu de Johnny, on va dire, un de ses grands amis. C'est Eddie Mitchell. Et pourquoi Eddie Mitchell? En l'occurrence, parce que c'est un titre qui s'appelle Rupture en VHS. Alors, c'est peut-être pas ton bonhomme là qui parle tout seul. Mais bon, voilà, on vous laisse écouter ça. C'est un titre de 1984. Hey! Eddie Mitchell, Rupture en VHS. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Et oui, tout est dit dans le par notre technicien Jean-Luc, l'émission Un coup d'œil dans le rétro, c'est le troisième, alors faut être précis, le troisième vendredi de chaque mois de 17h à 18h. Vous pouvez réécouter les émissions en podcast sur notre page Facebook Fadjet Un coup d'œil dans le rétro, et même encore, si je vais plus loin, sur notre site internet www.fadjet.net, rubrique Un coup d'œil dans le rétro. Alors, nous continuons notre petit chemin, il reste une dizaine de minutes, après on vous laisse profiter de ce début de week-end, pour ceux qui le sont. Et en l'occurrence, Adrien, qui est très malade, il nous rejoint. Il est très malade. Il vient, coûte que coûte, il est passionné. Vous verrez, alors n'hésitez pas, franchement. Adrien est joli. Voilà, allez voir vraiment sur la page Facebook, parce que ça vaut le coup. On fait des photos, en l'occurrence. Et n'hésitez pas à voir ces jolis petits apparats de capillaires que nous avons pour fêter Noël, bien sûr. Adrien, pour cacher ma perte de cheveux. Tu caches quoi ? Ma perte de cheveux. Mais non, voyons, ne dis pas ça. L'auditeur ne le sait pas. L'auditeur ne le sait pas. Alors Adrien, toi tu vas nous parler de films d'action, c'est ça ? Oui, alors justement ça va faire le parallèle avec les VHS qui ont été abordés juste avant. Oui. Car il faut savoir que du coup je vais m'intéresser aux films d'action des années 80, début 90. D'accord, il y a du Jean-Claude là-dedans ? Et il y a évidemment du Jean-Claude. Il y aura du Jean-Claude, voilà, je te le promets. Voilà. Faut d'abord savoir que le cinéma d'action c'est pas un genre nouveau et c'est pas un genre qui a débuté dans les années 80, ça avait toujours existé. Il y a eu les James Bond aussi dans les années 60, mais au même titre que le cinéma d'horreur, d'aventure ou d'amour, ça a toujours existé, mais c'est un genre qui s'est réellement développé dans les années 80. Puis c'est pas tout à fait le même style entre un James Bond et... Et c'est plus du tout le même style, ouais, en fait sur les années 80, on est vraiment sur un style... Bien à lui, quoi. Il y a un peu d'humour, peut-être un peu sur... Peut-être un peu d'humour, ouais. En fait, on distingue, je pense, trois types de cinéma d'action. Ouais. On avait d'abord les deux poids lourds avec Schwarzenegger et Stallone. Bien sûr. Qui sont maintenant les papis d'action, parce que je crois qu'ils ont quand même un truc pas comme 70 ans. Ouais, pas loin de 70 ans, je crois. Et bah, ils les ont, d'ailleurs, il me semble. Ah oui. Donc, c'était les acteurs les mieux payés au monde à ce moment-là, dans les années 80. Donc c'était bien représentatif que le cinéma d'action, c'était vraiment le cinéma à la mode à cette période-là. Ouais. Donc eux, ils avaient à leur actif des films bien cultes comme Rambo, Rocky, Judge Dredd, on a eu Terminator, Predator ou encore Conan. Bon, puis ils gagnaient tout le temps, de toute façon. Ils gagnaient tout le temps. La particularité, c'est qu'ils étaient capables de se prendre quand même... Ah bah oui, des missiles. Des missiles, voilà. Oh, bah, plus fort, s'il te plaît. C'est bon, tu vas pas tuer non plus Stallone avec ça. Et qui pouvait aussi tuer 50 personnes sans même recharger une seule fois, quoi. Bien sûr. C'est vrai que c'était des armes qui ne s'arrêtaient jamais. Ouais, hein, c'est ça. Il te le chargeait un peu vite fait et il tirait pendant une petite demi-heure tranquille. Voilà. Mais l'air de rien, et ça passait. Et puis il balançait 2-3 vannes, ouais, entre, et ça passait vraiment super bien. Mais faut dire qu'on était estomaqués le plus souvent par leur musculature. Oui, hein, c'est ça. Je pense que c'était un peu les G.I. Joe, ouais, des temps. C'est ça. Un petit débardeur, et puis même qu'il fasse froid ou chaud, on s'en fout. Voilà. De toute façon, on a les muscles. Ouais, ouais. Après on a eu les acteurs un peu plus de série B. Donc t'en parlais, Jean-Claude Van Damme, ouais, Chuck Norris, Steven Seagal, c'est mon préféré lui. Donc quand on dit série B, c'est-à-dire que c'est de moins bonne qualité que... Ouais, bah que... en fait, autant des films comme Rambo, Rocky, t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est des films qui sont quand même devenus cultes. Ouais. Les films de Stallone et Schwarzenegger, pour la plupart, sont des films qui ont été cultes, qui sont un peu plus travaillés avec des vrais scénarios. Sur les films de... Admettons Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, on n'est pas du tout dans ce délire-là en fait, on est sur des films qui sont vraiment pensés pour l'action et où le scénario est au détriment en fait, enfin passe vraiment en second plan. D'accord. Si tu veux en fait, par exemple si je vais m'intéresser un petit peu à Steven Seagal, ouais. Steven Seagal, je sais pas si vous avez connu, mais c'était vraiment zéro émotion. Ouais. Bah déjà lui il dégage pas grand chose. Il avait vraiment déjà aucun charisme. Tout droit. Mais bon, il casse des poignets. Bon, voilà. Hein. C'est parti. Il avait une petite couette. Il avait une petite couette sympa. Mais il l'a toujours. Hein, il l'a toujours. Hein, et quand tu vois ses films, c'est Piège en haute mer, ouais. Piège à grande vitesse ou encore Piège à haut risque. Il piège tout le monde, le coquin. Il piège tout le monde. Ouais, mais il y avait Bruce Willis qui piégeait tout le monde aussi quand même à cette époque. Ah oui, oui, oui. Et lui, il est encore. Mais bon, Bruce Willis, il était quand même beau mec, quoi. Oui, ouais. Enfin, voilà quoi, c'était pas pareil. Attends, tu vois. Peut-être quoi que Steven Seagal avait son style aussi. Hein. Ah, mais bah, oui, style, oui, mais la couette perso. Bah, genre, oui, ils avaient le style art martial en fait. C'est ça, le style art martial. Mais il y en a un aussi dans le domaine du rookisme qui était aussi qui activait nos dimanches après-midi, non? Le Chuck Norris, Walker Texas. Il mettait des coups de pied à tout le monde. Moi, j'aimais bien la musique. On peut pas retrouver la musique, bah, tu sais, quand c'était retrouver, bien. Bah, oui. Ça a duré quasiment 10 ans, ouais. Oui. Et moi, je le connais pour ça. Hein. C'est vrai que je connaissais pas ses films, mais il a aussi une carrière cinématographique derrière. D'accord. Voilà. Bah, un peu dans le même style aussi, on avait Jackie Chan aussi. C'est vrai, oui. Jackie Chan, bon bah voilà. Où lui, oui, c'était plus de l'humour. Ouais, il y a un côté humoristique. Hein, il se prenait pas 30 balles dans le buffet par film, non, du tout, mais il réalisait ses cascades lui-même par contre. C'était beaucoup de la bagarre à main nue, Jackie Chan. Hein, pas et t'avais toujours un bêtisier à la fin où on le voyait faire ses cascades et souvent se rater aussi. Et le dernier, bah, t'en parlais justement, Bruce Willis, qui est un peu le cas à part, avec la trilogie des Die Hard notamment, je pense. Où lui, on avait complètement le renouveau du cinéma d'action après avec tous les autres films qui sont arrivés par la suite dans les années 90, avec je pense à Nicolas Cage, Keanu Reeves, on a eu aussi la trilogie de l'Arme Fatale. Ça, c'est, il a amené un petit peu un renouveau parce qu'on était sur un cinéma d'action un peu différent. Malgré que, en fait, le point commun de tous ces gens-là, c'était que c'était un héros contre le reste du monde en fait. Tu suis encore les films d'action aujourd'hui, Adrien? Ouais, ça a évolué en fait. Tu pourrais plus retrouver ça. Jason Statham maintenant. Jason Statham, c'est lui qui a pris la relève. Voilà, c'est vrai. Je suis d'accord. Ouais, c'est le seul un peu porte-étendard de ce cinéma d'action. Et d'ailleurs, ils ont refait The Expendables, une trilogie. Avec tous les anciens. Avec tous les anciens justement parce que. Plus les nouveaux. Ça a marqué. Ouais, plus les nouveaux du coup, Jason Statham. Et puis. D'autres après, donc. Oui, qu'on connaît pas forcément non plus. Mais oui, ils ont repris un petit peu les nouveaux et puis ils font des parallèles justement avec Chuck Norris, qu'on voit, je crois, dans le 2, il me semble. Et on est sur du cinéma d'action, d'humour, c'est particulier. Il y a eu un gros succès commercial dessus. Après, le film en lui-même, c'est pas forcément. On se rend compte que voilà, ça passe plus aujourd'hui, quoi. Ok, bah merci à toi Adrien en tout cas pour ce petit flash sur les films d'action. Moi j'aime bien. En fait, c'est ce qu'on dit, c'est avec cette expression un peu vulgaire, ça mange pas de pain. Tu regardes ça, tu cherches pas à réfléchir. C'est ça. Et puis c'est comme ça que ça se passe. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Et oui, il nous reste encore quelques minutes, et allez, on va dire 3 minutes, pas plus, pour vous présenter bien les sorties à faire dans le coin. Alors, ce soir, est-ce qu'il y a quelque chose, Annick? Alors, oui, ce soir, donc apéro jazz, donc au 15 bar, donc à l'hôtel de la Reine, Place Stanislas. Oui. Donc, on en avait déjà parlé. Donc, il y a plusieurs vendredis, notamment le 22 et le 29 décembre. Donc, vous pouvez aller boire un petit coup, voilà, dans une ambiance un peu jazzy et décontractée. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour. Samedi et dimanche, on retrouve nos amis du Frip Show. Et du Gugus, là. Voilà, c'est ça. Mmh. Au Milton à Nancy, vous serez en forme. Oui, ils seront en forme. Il va essayer. Ils seront en forme. Alors, pour 2 jours de Chine, en l'occurrence, le samedi 16 de 14h à 18h, et donc dimanche 17 décembre de 15h30 à 19h30. Mardi 19 décembre, donc à l'autre canal, donc de 20h à 23h, concert donc du pianiste new-yorkais donc Scott Bradley, donc avec un groupe qu'on a déjà entendu, donc un coup d'œil dans le rétro, post-moderne, donc jukebox. Donc vous pourrez écouter des tubes pop du 21e siècle, un peu façon vintage. Donc il y a des préventes en tarif carte, l'autre canal à 28,50, et en tarif normal, donc c'est 33,50. Donc allez-y. Si vous avez encore un petit peu de temps avant de fêter le nouvel an, la nouvelle année, vendredi 29 décembre de 20h à minuit à la MJC de Jarville. On retrouve Wilfried Danse, qui est venu une ou deux fois dans notre émission pour une soirée cha-cha-cha, tango, passo rock'n'roll, dress code chic et chic, c'est ça? C'est ça, et enfin pour terminer, donc le 31 décembre, le dernier jour de l'année, vous pouvez le passer avec un groupe aussi qu'on a reçu ici, les Velvet Swing, donc au restaurant La Cave, donc à Ludre, donc pour une ambiance rétro swing, manger voilà autour d'un repas avec dans une ambiance un peu cosy. Un beau programme, et on se retrouve quand? Alors on se retrouvera le troisième vendredi donc du mois de janvier qui doit être le 19. Si je m'abuse. Et puis on va faire juste un retour aussi sur Sophie quand même qui est venue nous voir. Sophie donc Fontaine qu'on peut retrouver donc sur différents supports sociaux. Sophie, c'est ça, donc voilà. On fait un petit rappel. Sous mon pseudo d'artiste So Wide. Voilà. Wild entre parenthèses. Voilà, Sophie Fontaine, on trouve un petit peu partout, voilà, sur les réseaux sociaux. Voilà, photographie argentique. Photographie argentique, elle est avec nous aujourd'hui et d'ailleurs on relaiera eh bien aussi sa page sur notre réseau social à nous. Fadjet, un coup d'œil dans le rétro. Merci les amis. Merci. Bon week-end. Bon week-end, bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël. On va tous se rétablir parce qu'on est tous bien malades. Profitez-en, profitez de vos amis, votre famille en l'occurrence. Et pourquoi pas rester à l'écoute de Fadjet, bien sûr.